Carina, tu es un vrai petit démon, Carina. Et dans le bleu de tes yeux de gamine, si le ciel danse, c'est pour mieux perdre les garçons. Carina, jusqu'au bout de tes doigts, tu es coquette. Et même si tu n'as rien dans la tête, ta bouche verte vaut beaucoup mieux que la raison. Carina, avec les hommes tu joues les perverses. Mais si l'un de dans ses bras te renverse d'un air très digne, tu lui dis non. Oh oh, Carina, Carina, Carina, tu as beaucoup de défauts, mais quand même crois-moi, tu ne serais pas une femme si tu ne les avais pas. Pourquoi dis-tu ne pas aimer Carina? Ce n'est pas un péché d'être amoureuse quand on est faite rien que pour ça. Oh oh, Carina, Carina, Carina, tu as beaucoup de défauts, mais quand même crois-moi, je veux bien connaître l'enfer avec un démon comme toi. Un vrai démon comme toi. Un vrai démon comme toi.